détonation. Tout le monde circule, confusion une fois de plus. La tension de monde, des cris, du sang, du vomi, trop de mouvements. Un cauchemar, les keufs encerclent un bloc pour se sauver, c'est cuit. Cours numéro 1, t'es échoué, les malfrats. Maintenant tu vois la réalité devant toi. T'as mal, t'es meurtri, en plus demain ta fille c'est l'anniversaire. Tu risques gros, ils sont tous partis, mais où sont tes frères? Mercedes-Benz fini, plus tu crises. Car tu voulais faire à ta femme une belle surprise. Ne projette jamais, car c'est Dieu qui fait. Dans ses mains, au fond, tu n'es qu'un simple objet. C'est pas le moment, mais tu souris. Serre ton grenaille, y'a tellement de pagailles, yeah. Tu vois pas, mais y'a un flic en train de te braquer d'une arme. Ton futur à cet instant présent, c'est ton passé. T'es en train d'agoniser, yeah. Ouais, c'est nif, yeah, yeah, yeah. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. J'avais été tué, mais je viens de me réveiller. Les lumières de l'hôpital m'aveuglent, mais je suis vivant, bon gré. Malgré ce silence meurtrier, que vais-je faire maintenant? Ils veulent me mettre au trou, je sais. Mais cela, crois-moi, ne va rien empêcher. Vite jugé, cache condamné à quelques années. Réduit à l'état de prisonnier, mais je continue à dîner. 11-11, y'a pas meilleur client, tu sais. Y'en a qui dehors vendaient, mais n'avaient jamais touché. Alors qu'en prison, c'est eux les premiers qu'on consomme. Mais je me suis bâti une vraie petite fortune. Une fois dehors, je bois chin chin. La routine dans le quartier, tout a changé. Les petits sont devenus des grands. Une vieille histoire surgit, un gosse braque, tire. C'est nifi. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. Refrais, choisis bien les gens que tu dois fréquenter. Car le loup s'attaque souvent à la brebis égarée. On meurt toujours pour le pourquoi on vivait. Pense-y et choisis bien tes activités. Beaucoup trop de gens sont morts pour cela, ayant vécu en faisant n'importe quoi. L'insomnie c'est l'indécision face à la vie. Alors que l'impasse est trop tard, tout est fini. On n'a jamais vu un mot revenir sur cette terre. Parce qu'il regrettait sa vie, voulait refaire. Demande des comptes à toi-même avant que tu trépasses. Sinon, il est clair, je trouverai l'impasse. Yo, tu vois pas, on dirait Carlito dans l'impasse. Chouffe-toi, yeah, qu'est-ce qu'il y a? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille, mais notre destin on peut le changer, tout est dans nos mains. On choisit pas ses parents.